Nah. wadero Badine la kamo koni nenge nine Naesepo O baye mo la kamo koni nenge nine Naesepo Badine la kamo koni nenge nine Naesepo Il est le roi Bayembera kamo koni nengeni.